Une heure après le début de ce volcan sur la scène du monde, de larges ruisseaux de lave incandescente coulaient sur ses flancs. Pendant la nuit entière, l'éruption rongea les bords du cratère. Les prisonniers, cachés derrière l'enceinte de pieux, suivaient les effrayants progrès du phénomène. Le matin arriva. Glenarvan, l'œil aux aguets, observa le campement des indigènes. Les Maoris avaient fui sur les plateaux voisins, hors des atteintes du volcan. Kaikoumou vint au milieu de ses guerriers et lança sur la montagne vengeresse un tabou plus rigoureux. Bientôt après, les indigènes s'en allaient par file dans les sentiers sinueux qui descendaient vers le pas. « Ils partent !» s'écria Glenarvan. « Ce soir à la nuit, nous ressusciterons, nous quitterons notre tombeau, nous fuirons ces barbares peuplades. » Une journée entière devait encore s'écouler avant l'évasion définitive. On l'employa à discuter un plan de fuite. Paganel avait précieusement conservé sa carte de la Nouvelle-Zélande et il put y chercher les plus sûrs chemins. Après discussion, les fugitifs résolurent de se porter dans l'est, vers la baie Plenty. C'était passé par des régions inconnues, mais vraisemblablement désertes. Ils voulaient gagner la côte orientale, où les missionnaires ont fondé quelques établissements. Quant à la distance qui séparait le lac Taupo de la baie Plenty, on pouvait l'évaluer à 100 000, 10 jours de marche à 10 000 par jour. Les missions, une fois atteintes, les voyageurs s'y reposeraient en attendant quelque occasion favorable de gagner Auckland.